Il y a un physiologue anarchiste russe, ou bah, soviétique, il est mort dans les années 90, Arshavsky. Lui, il disait, il a pris le concept de dominante de son prof de physiologie. Il n'était pas ouvertement anarchiste, mais quand même, il utilisait, comme il regardait sur les deux, il regardait expliquer ou interpréter le développement physiologiste de théorie anarchiste. Avant eux, il y avait Kropotkin, le naturaliste. Kropotkin, c'est en Russie, c'est lui qui a fait vraiment lier la science d'évolution et l'anarchie. Ça veut dire que si tu es comme Darwin, tu viens d'une culture impérialiste, chrétienne, tu vas voir le monde comme souffrance, parce que c'est ça, la domestication religieuse ou politique nous enseigne qu'il faut accepter à souffrir, que la vie c'est une course, ce sont des courses pour survivre, et celui qui a plus d'enfants, plus de ressources, il survit, et les autres, bah, c'est naturel, ils meurent. Mais il faut avoir une culture déjà hiérarchiste pour arriver. C'est la matière que Darwin examinait était bien là, mais l'interprétation de cette information, pas juste civilisée, mais venait d'un pays, beaucoup de colonies, et esclaves, et tout. Et sa théorie scientifique reflète ça, sa position dans sa société de Darwin et de la position de la Grande-Bretagne dans l'hiérarchie économique mondiale. Les anarchistes russes, ils ont pris un autre point de vue sur la physiologie. Ils disent, OK, mais si on regarde comment vraiment les êtres sauvages vivent, Kropotkin dit, ils vivent par aide, empathie, aide mutuelle, coopération. Tomsky, Arshavsky, ils disent, OK, chaque organisme, comment il développe, si on interprète ça du point de vue anarchiste. OK, on a les mêmes. Et ils voient que chaque organisme veut vivre, il y a beaucoup d'oppression qui vient autour, mais c'est toi qui décides quand et comment. C'est comme les fenêtres de Montessori. Toi, tu décides, tu vas réagir à ce qui te fait pression Qui ou traverse. c'est ça. Tu réagis et tu décides comment et quelle force. C'est important d'avoir du stress, mais le stress est très important que ça vient de toi-même. C'est toi qui décides, OK, maintenant, je ne veux plus avoir. Je vais dormir ou je vais faire quelque chose d'autre. Et c'est pour tous les organismes, n'importe quelle complexité humaine ou même un ver, la règle est la même. Alors, qu'est-ce qui fait si tu mets cet organisme dans un système qui te domestique, qui te dit non, il faut pas faire ça, il faut faire ça. Non, tu n'existes pas pour juste regarder le soleil, tu existes pour travailler. Ok? La pression, les expectations, ils te détruisent parce qu'au bout d'un moment, tu peux plus résister, tu peux plus grandir. Alors, les enfants, si tu leur donnes la liberté de décider quelle pression ils sont prêts à surmonter, ils vont grandir. Parce que tu peux pas grandir s'il n'y a pas de pression, dit Arshavsky. Mais si tu mets trop de pression, au bout d'un moment, tu grandis plus. Intellectuellement, émotionnellement, physiquement. Et alors, l'école, ça va complètement au contraire. Même les écoles libres, quand même, tu mets les enfants, tu ne leur demandes pas, tu mets les enfants dans un établissement. Ils sont mieux organisés. Par exemple, il y en a, il y a communauté anarchiste, commune, où ils échangent, par exemple, ils disent, OK, ce papa est musicien, il va apprendre, ils vont aujourd'hui aller dans le champ parce que tout le monde ne peut pas s'occuper des enfants et jouer avec eux en guitare. OK. Les enfants, ceux qui veulent jouer, ils jouent. Ceux qui veulent aller ramasser des fleurs, ils ramassent. Tu organises, ça veut dire, je ne veux pas dire que chaque famille doit s'occuper de ses enfants et les laisser faire n'importe quoi. Ce n'est pas ça. Déjà, il y a beaucoup de pression dans notre société. Et si tu laisses les enfants de choisir, comment ils vont réagir à ces pressions? Ça, c'est une chose. Tu les laisses pas juste à la maison fermée ou aussi mes besoins, c'est aussi une pression parce que parfois ils sont pas en harmonie avec le besoin aujourd'hui de ma fille. On va négocier, elle va grandir dans cette négociation. Moi aussi, je peux faire des compromis, elle va apprendre comment faire un compromis, des choses comme ça. Alors, c'est comment on s'organise et comment on donne cette liberté aux enfants d'être intégrés dans la vie. C'est ça le but d'un school. Et chacun le cherche, son propre système, mais c'est jamais un système aussi parce que comme le chaos, comme la vie sauvage, il y a toujours des choses nouvelles et il faut aimer ça, c'est important, de ne pas avoir une routine. Aujourd'hui on fait la mathématique, aujourd'hui on fait la musique, aujourd'hui c'est ça pour nous tous. L'apprentissage et la curiosité aussi qui stimulent. C'est ça, comme Warshawski dit, on ne peut plus grandir ni émotionnellement, intellectuellement ou même physiquement. Ok, ça c'est la théorie de unschooling. D'autres questions? Non, mais est-ce qu'il y avait d'autres trucs que tu aurais voulu parler? Aussi parce que j'ai écrit beaucoup, mais c'est en anglais, si quelqu'un veut traduire en français, bienvenue. J'ai déjà plusieurs articles sur mon site web en anglais. Après, le livre qui va sortir où j'examine l'existence même, le besoin de l'école, mais aussi je donne des exemples particuliers de la vie de ma fille ou comment un enfant qui n'a jamais fait l'école. Après, alors il y a beaucoup de choses là, je ne vais pas répéter, mais si tu as des questions par exemple sur comment ma fille vit sans école, je peux te donner par exemple des exemples, mais aussi c'est spécifique parce qu'à l'époque on voyageait beaucoup, mais par exemple ma fille à l'âge de 4 ans et demi, elle a appris que les gens font la guerre. Et c'était par hasard, on était chez des amis au Laurentide, à Val-David. Et puis, un ami qui... C'était pas National Geographic, c'était un journal français équivalent de National Geographic, je ne me souviens plus lequel. Mais il y avait un reportage sur l'importance de jouer chez les animaux et que les êtres humains, ils doivent réapprendre jouer avec ses enfants parce que c'est ça le plus important pour les enfants et pour les adultes. Et il n'avait pas enregistré dans sa conscience qu'avant ce reportage, il y avait un reportage sur la guerre. Il a gardé justement pour lui, il savait qu'on allait venir. Il a dit, il y a, dans ce journal, il y a tellement des bébés, des loups, des ours blancs et des photos vraiment géniales. Et puis la petite, Elle, c'est souvent les enfants, ils voient ça. Mais avant ça, elle a vu un reportage sur les gens qui. Des mines qui s'éclatent, les gens qui. Et puis, oh là là, moi j'étais. Ok, mon enfant, je voulais garder ça, son innocence plus longtemps. Mais unschooling demande que si ton enfant pose. Tu n'imposes pas ton information, tes peurs, tes craintes, mais si l'enfant pose une question, tu réponds comme sincèrement, comme tu vas répondre à quelqu'un de grand. Et alors, c'est ça, elle me demande, maman, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, c'est la guerre. C'est la guerre. Comment les gens peuvent faire ça pour... aux autres. Elle était complètement obsédée par ça, bien sûr horrifiée, traumatisée. On est revenu à Montréal, à l'époque elle ne parlait pas ni l'anglais ni le français, alors elle a juste le russe. Elle, déjà 4 ans et demi, 5 ans, elle faisait ses recherches sur Yandex russe, c'est comme Google russe. Elle a fait sa recherche pour trouver comment, et la guerre en Irak a commencé comme un mois plus tard, la dernière invention d'Irak. Et c'est ça, elle a trouvé ça sur Internet. Ok, il n'y a pas juste comme il y avait toutes ces guerres. il y avait ça. Et les questions qu'il posait étaient très intéressantes. Par exemple, il regarde et dit, ma mère, elle est russe, elle travaille aux États-Unis. Okay? Les États-Unis, il me dit, maman, c'est comment ça que les gens aux États-Unis, qui sont comme ma grand-mère, qui est ma mère, attaquent et tuent les gens en Irak qui ressemblent à ma maman? Comment ça se fait? Après, elle a dit, et comment ces gens résistent? Et puis, elle regarde, et c'est elle remarque, parce que moi, je donne pas d'informations. Déjà, j'ai horreur que mon enfant parle de ça. Je voulais qu'elle apprenne pas ça jusqu'à l'âge de, je sais pas, 21 ans. Que les gens tuent les autres. Mais non, ok, il faut aborder le thème. Elle me dit, maman, regarde comment l'architecture, comment il résiste en Irak. Ok. Et puis, elle dit, ah, ok, il y a l'architecture. Il y a ça, la différence entre l'ethnie, l'architecture, les langues, tout ça, à 5 ans, juste en obsédant, elle fait une recherche, mais vraiment universelle. Mes étudiants à l'UQTR, il approche même pas. Ben, ce trimestre, il y avait un groupe qui a fait le trimestre dernier une recherche vraiment géniale. Mais normalement, c'est comme, ils ne pensent pas que toi, si tu as une question, tu peux vraiment faire une recherche anthropologique, sociologique ou quoi que ce soit, ethnographique, architecturale, je sais pas, de comprendre comment les gens font, qu'est-ce que c'est les relations, qu'est-ce que c'est la guerre, le meurtre et tout ça. Et puis, finalement, elle voulait savoir comment ces gens... Ok, une des choses dans un schooling, c'est que si tu peux aider, faire, normalement, c'est bien d'être in the field, ok? Tu vois, si un enfant demande comment les lapins vivent dans la forêt, tu vas dans la forêt et vous allez voir comment vous allez rester là, voir si vous allez voir comment les lapins vivent, ok? Juste un exemple. Si l'enfant me demande sur la guerre, normalement, je dois aller. Il y a des petites limites là aussi. C'est ça. Je me suis dit, ok, on va pas aller en Irak, mais il y avait pas longtemps l'horrible guerre aux Balkans, aux pays balkans. Je me suis dit, oh, bah, ça tombe bien, moi je voulais faire un petit break après mon examen de synthèse à l'UDM. On va prendre le train et faire le tour de l'Europe de l'Est, de l'ex-Yougoslavie et tout ça. Et comme ça, elle peut voir, on peut aller en Serbie, en Croatie, en Bosnie. Il y a toujours, bah, les gens, j'avais des amis, il y avait toujours la présence d'une guerre qui n'était pas très longtemps, pour apprendre qu'est-ce que c'est les relations, pourquoi les gens font ça, comment on peut arrêter de faire ça. Et on a fait ce voyage et c'était génial parce que finalement il a compris que les gens, les Croates qu'on a vus, il aimait les Serbes, il aimait les Bosniaques. Finalement, les gens, ils entrent dans cette panique, dans ces structures civilisées de panique, de peur d'être tués, de souffrir, de ne pas manger. Et ils peuvent faire des choses atroces tandis que eux-mêmes, ils sont pas atroces. Et ils veulent pas faire ça. Ok, comment on peut comprendre et apprendre pour arrêter ça? Et peut-être maintenant, bah, ça fait des années, 2006, qu'on est allé, on a fait ce voyage. J'ai écrit un peu sur mon blog de voyage, travel.miltsov.org. Et puis, peut-être elle se souvient plus des détails, mais la sophistication de sa pensée quand elle son sens humeur, son empathie et compassion, c'est toujours cette expérience l'a formée. Maintenant, bon, on n'en parle plus, c'est aussi très thérapeutique. Finalement, on a arrêté de parler de guerre et tout, mais je sais que c'est quelque chose de très important pour son apprentissage, pour son devenir être humain d'une société qui va porter de vie et de l'amour et de compréhension. Et c'est ça, c'est juste un exemple, mais il y en a beaucoup, plein de choses. Mais ça reste assez marquant parce que c'est quelque chose que nous, si on va juste à l'école, on n'est pas en contact direct avec des gens qui ont pu le vivre, on n'est pas en contact non plus avec les conditions dans lesquelles les gens vivent. On est coupé de tout ça. Alors, même quand on nous parle de guerre, on a une tellement grande distance avec le... C'est juste un concept, c'est pas quelque chose qu'on peut vivre vraiment. Absolument. Et aussi, il y a comme une petite arrogance aussi parce qu'on a ce Russie qu'on peut... par exemple, parce que je sais... Le dernier trimestre que j'ai enseigné à l'UQTR, une des étudiantes était bosniaque. Et il y a comme, c'est pas par méchanceté, mais l'arrogance vient avec, ok, ah c'est bien nous le Canada, le pays de la paix, on t'a accueilli, on t'a sauvé la vie. Et c'est pas que les autres étudiants disent ça, mais ils ont ce récit qui est là. Qu'on comprenne la sémiologie est là, on comprenne tout de suite. Et elle se sent toujours, c'est comme, elle doit confirmer aux autres que bien le Canada, le meilleur pays du monde qui m'a sauvé la vie. Mm-hmm. On dit que bon, les Premières Nations dans les réserves. Ouais. Mais eux, justement, l'État s'est organisé pour les reclure dans des coins, comme ça, ils ne sont pas en contact avec le reste de la population. C'est ça. Et si tu, au lieu d'avoir ces étudiants assis là, dans leur salle de séminaire, d'aller vraiment comprendre qu'est-ce que c'est, sans jugement, comprendre comment ces gens peuvent faire ça, mais c'est aussi une réponse à nos besoins ici de paix. Parce que pour avoir la paix avec la technologie et société de consommation, il faut qu'on consomme les autres. Et les autres, ils vont se reproduire et s'entretuer. Et avoir cette violence visible, tandis que nous, on participe ici dans cette violence invisiblement. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Et c'est ça que ma fille, elle a appris. Parce que comme je dis, on n'en parle plus, mais les choix qu'on fait dans la vie, après je vois, et ce n'est pas que, par exemple, son enfant s'est gâché, parfois elle veut avoir quelque chose, elle veut faire quelque chose, on participe toujours, même en allant au maire de Serres pour acheter des crayons, de l'huile, on participe dans la consommation parce qu'on a pu faire ce crayon à la maison, mais on n'a pas le temps, on n'a pas la place, blablabla. Mais il y a une conscience de ça. Ça nous ramène en fait à tout ce qui se passe maintenant au Québec, avec les demandes des étudiants. J'ai vu aussi sur votre site internet que vous avez fait une étude sur trois livres pour enfants. Ça serait dur là, de résumer tout ça, je suppose, mais quels sont les points importants à en sortir de cette étude-là? Waouh, cette étude était vraiment... C'était moi, ma thèse de doctorat. Il y avait une partie de deuxième partie qui était publiée sur... C'était les généalogies de... Genealogies of Wilderness and Domestication. Ma thèse de doctorat, c'est analyser les narratifs de domestication et de wilderness, la vie sauvage, dans les narratifs qu'on a pour les enfants. Et bien sûr, là, j'analyse tous les narratifs théologiques, scientifiques, fictionnels, et je les compare avec les narratifs que notre civilisation ne les traite pas comme scientifiques, mais les connaissances aborigènes ou indigènes, par exemple des légendes, ce sont des connaissances basées sur les observations, des construits épistémologiques des gens qui étaient là pendant des milliers d'années. Et moi, je les traite comme des postulats scientifiques. Et comment on trace ces postulats dans les livres pour enfants? Moi, j'ai examiné beaucoup de littérature. Finalement, je suis sortie qu'il y a comme, si on peut prendre comme exemple trois livres, j'ai pris Winnie the Pooh comme basé sur le paradigme civilisationnel, monarchiste, capitaliste. Puis il y a un livre russe écrit pendant l'Union soviétique. C'est pas traduit en français, je pense, d'un an. C'est traduit en anglais. En russe, «Незнайка», «Приключения Незнайки», et en anglais, c'est «Adventures of Dana». Dana, c'est un personnage qui connaît rien. Et c'est comme un compromis entre la civilisation. C'est basé sur les postulats anarcho-socialistes. Mmh. Anarcho-communistes, peut-être un peu, mais il critique le communisme, alors c'est comme une critique cachée. Mais anarcho-socialisme est là, surtout, je pense, Kropotkin, Pierre Kropotkin. Il était prédécesseur de, par exemple, Michel Foucault, en adressant les mêmes questions de qu'est-ce que c'est la santé mentale, qu'est-ce que c'est la prison, l'enfermement, la punition et le contrôle. Et le troisième, c'est, si on peut dire, un anarcho-primitivisme, où moi, je préfère le monde sauvage, c'est le Moomin. Le Moomin, il y a tout ce qui se passe dans le monde de Moomin, parce que le monde sauvage doit avoir tout, même des petits éclats de civilisation, mais la façon dont les personnages réagissent pour guérir ces éclats de civilisation, c'est très intéressant. Mais ça pose les bases, même dans la littérature pour enfants, ça pose les bases à comment qu'on se représente le monde, là. C'est quasi imposé dès le début, là. Ça structure toute notre façon ensuite de voir les choses. Absolument. Et des choses, parfois, les plus efficaces, ce sont des choses n'est pas dites. Justement parce qu'il y a ce habitus, il y a ce narratif qui structure ces formules, que même si on ne décrit pas des choses comme elles sont, par exemple comme Winnie the Pooh, il y a beaucoup sur comment on construit l'autre, l'étranger, l'immigrant, sans nommer. Et ce n'est pas juste que l'auteur veut se moquer de ses construits, mais il y a quand même une acceptation de la base civilisationnelle. Winnie the Pooh commence avec la domestication, commence avec l'aliénation de la douleur de ce qui est domestiqué. Parce que ça commence, la première partie ouvre l'introduction, comment on a eu le nom Winnie the Pooh. Et c'est que le petit garçon, le narrateur nous dit, bien sûr, chacun sait qu'est-ce que c'est un zooparc. Et quand tu vas dans un zoo, tu vas directement devant la cage d'animal que tu aimes pour le regarder. Okay? Et ça, c'est la base de la domestication. C'est que le fait que l'animal que tu aimes est enfermé dans une cage et tu poses même pas de questions et tu dis, et le garçon allait devant cette cage, il y avait un ours, on appelait Winnie the Pooh. Ok. Et ce qui n'est pas questionné, c'est qu'il y a quelqu'un dans une cage. C'est la pornographie, c'est le sadomasochisme et c'est basé sur la douleur qu'on ignore parce que c'est normalisé, parce qu'il y a le mot amour. C'est ça l'amour. Tu mets ton amoureux dans la cage et tu le regardes. Puis par opposition, qu'est-ce qui ressortait avec les Moomins? Ben, les Moomins, l'amour, c'est, l'amour, c'est d'être dans le monde, c'est d'avoir confiance. Même quand l'enfant veut aller dans un voyage loin, seul, pour apprendre, il y a un soutien communautaire des parents pour qu'il apprenne. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de zooparc, il n'y a pas de domestication. Il y a entre aide, c'est que tout le monde est libre de sortir et si quelqu'un vient, on partage. Et chaque livre nous montre comment cette communauté est vaste, même par exemple en hiver, pendant que les parents, les Moomins dorment, il y a toute une vie dans leur maison. Et c'est nécessaire, c'est important d'avoir cette vie, d'avoir cette maison, même s'ils ne le savent pas. Mais ils savent que c'est important et ils savent que laisser les portes ouvertes, c'est vraiment le but. Et il y a par exemple à la fin, parce qu'ils sont 9 livres. Je pense que c'est le 8e livre. Non, le dernier. Le 8e livre, ils partent vivre sur une île isolée dans la mer. Et c'est comme l'écrivaine, elle a vécu beaucoup sur une petite île. Tove Jansson, l'écrivaine. Et alors, l'histoire raconte comment ils sont dans cette ville. Aussi, qu'est-ce que c'est, par exemple, dans la société civilisée, Moomin Mam aurait été construite comme une folle. Mais là-bas, c'est une examination de sa vie, d'existentialisme, de ses possibilités de vivre, de se découvrir autrement. C'est un livre pour les enfants, mais complètement, ça peut être pour n'importe quel âge. Je peux le relire maintenant, même après mon doctorat, et voir, découvrir des choses, nouvelles choses différentes. Le dernier livre, ils sont toujours sur cette île, et les personnages sont absents. Les personnages principaux, c'est un livre sur l'absence. Mais c'est incroyable. Absence ne veut pas dire absence de vie. Exactement, parce qu'eux, ils sont dans cette île, dans la mer, et à la maison, il y a toute une vie autour des gens qui ne sont pas là. Ils sont les personnages. Comme l'absence devient un personnage principal important, parce que la mémoire, les désirs, les craintes réunissent les personnages. La maison est à tout le monde. Ils viennent rester là. Et c'est psychologiquement, anthropologiquement, c'est tellement riche et incroyable. Et c'est ça la diversité, c'est ça la vie sauvage. Parce que l'existence continue même dans l'absence. Et cette absence, peut-être, métaphoriquement, ça peut dire mort. Mais c'est comme dans la pensée indigène, la mort n'est jamais une absence. Nos aïeuls sont là, présents. La mathématique est impossible si on peut compter tout ce qu'on voit, tout ce qui est présent, mais on ne voit pas. Au-delà de ce qui se répète comme lutte, par exemple, des gens qui revendiquent plus de domestication, à la limite, là, d'aller plus à l'école, d'avoir accès plus aux institutions qui nous domestiquent, la transformation qui est un peu souhaitée à l'arrière de tous ces propos, c'est une transformation qui englobe le vivant dans son ensemble. Ce qui est très différent des révolutions qu'on a vues avec la Révolution française, avec la Révolution russe, avec les idéologies politiques révolutionnaires comme l'anarcho-communisme, l'anarcho-socialisme ou encore pire, le marxisme-léninisme. Absolument. Et ces révolutions, pour moi, elles sont échouées parce que les structures ontologiques ne sont pas changées. Les structures ontologiques sont restées les mêmes. Alors, l'idée des ressources, de domestication, justement, c'est juste, on a changé des élites pour les autres. Et Union soviétique, peut-être c'est ça aussi, on voit dans le livre de Nonsov sur Dana. Il est très intéressant, le livre. Je le critique parce qu'il y a des côtés qui manquent. Par exemple, c'est quand même fondé sur le prémisse civilisationnel. Mais il y avait en moi un attentat de... C'est quand même basé sur l'aliénation et la séparation, mais quand même, on va avoir le monde sauvage, la forêt, et puis la cité, et tout, et l'agriculture, tout pour l'humanisme. Mais c'est toujours l'idée d'humanisme, est là. Alors, moi, je trouve que peut-être l'écologie en total, comparée à l'Occident, l'Union soviétique, a souffert un peu moins, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas souffert. C'est juste la vitesse était un petit peu ralentie, mais maintenant, qu'on pense. Et ça ne veut pas dire que ce ralentissement aurait arrêté, non. Avec la reproduction d'espèces humaines, ça quand même... Alors, ça n'a rien résolu, les postulats ont resté les mêmes, les élites... Parce que déjà, dès que tu entres dans dans cette idée d'humanisme, c'est que tu peux pas, pour avoir des travailleurs, tu as besoin de domestiquer tes ressources. Et si tu domestiques tes ressources, tu as l'institut de l'éducation, tu as la dépendance et alors la technologie. Le besoin de technologie est déjà enraciné dans la pensée même. Alors, si tu as cette pensée, ça déclenche tout le mécanisme. Justement, je ne sais pas si dans mon livre de Wild Children, Domesticated Dreams, Civilization and the Birth of Education, justement, j'adresse toutes ces questions. En français, c'est des enfants sauvages, des rêves domestiqués, la civilisation et la naissance de l'éducation. Justement, j'adresse ce problème que l'institution de domestication, l'éducation, est basée sur cette violence, cette peur de vie, cette peur de vie sauvage construite dans nos narratives par la science, le darwinisme et la religion. Ils vont ensemble. Et chaque essayage de faire une révolution juste change les élites. Et les modes de gestion. Exactement. Exactement. Mais ils continuent toujours la même histoire. Exactement. Puis c'est de rompre avec cette histoire pour que la vie sauvage soit, se vive, soit rétablie dans son existence, dans sa puissance, qui est la base de ce que tu défends. Exactement. Bien, très bien articulé. Et c'est un peu ce que pour toi est l'anarcho-primitiviste, par exemple. Moi, je ne peux pas parler pour tous les anarcho-primitivistes. Oui, mais ta vision à toi de l'anarcho-primitivisme. Oui, mais comme je dis, anarcho-primitivisme pour moi, c'est basé dans le dualisme. Parce que pour avoir anarchie, l'anarchie, c'est la résistance de la civilisation, de l'ordre, du paradigme oppressionnel, hiérarchique. La résistance contre. Contre, oui, la résistance contre. Et anarcho-primitivisme, c'est une façon d'inclure les connaissances, les modes de vie sauvages, ou même pas sauvages, primitives. Et primitives s'opposent au civilisationnel. Alors, on a toujours besoin de cette opposition. L'un a besoin de l'autre. Alors, pour moi, c'est important d'avoir cette étape de résistance. Et comme, par exemple, d'autres méthodes, groupes ou techniques de résistance, on a besoin de tout ça. Mais il faut savoir où est-ce qu'on va après. Parce que si on reste dans la résistance, ça veut dire qu'on a toujours besoin du monstre. Ok? Et après, ou avant, ou au-delà de ce binarisme, c'est le monde sauvage. Et le monde sauvage, qu'est-ce que c'est? Okay? C'est la diversité, c'est l'entraide, et c'est la vie pour la vie. Pas pour être mangé, pas pour manger, pas pour être contrôlé ou pour contrôler, c'est juste pour l'être dans le monde divers et vivant. Et c'est un peu de ça dans ses écrits scientifiques que Kropotkin parlait justement de ça en critiquant Darwin. Ses écrits politiques étaient quand même anarcho-socialistes. Ça veut dire que, par exemple, étant scientifique, il posait jamais la question ontologique de l'existence de la science, par exemple. Ils avaient la foi dans la science. Mais ses observations de la vie sauvage, même en Sibérie, étaient magnifiques parce qu'ils nous donnent vraiment comme une possibilité de voir comment la vie même au nord est riche. Et c'est ça ce que Lasse Norden, mes amis Irine et Leonid, oui c'est ça, ils ont essayé de le faire. C'est même dans le cas où la civilisation a gâché beaucoup de la vie sauvage, on peut quand même trouver la vie, on peut laisser la vie vivre et on peut être là avec. pour et dans la vie. Et dans ce contexte-là, en ce moment au Québec, il y a un gros mouvement de lutte. Comment on pourrait s'impliquer en défendant ces valeurs de la vie sauvage, de cette existence autre qui ne correspond pas à ce qui se vit en général? Puis dans un cadre de lutte où le principal mot d'ordre, c'est d'empêcher la hausse des frais de scolarité, ou même pour la gratuité scolaire, d'une éducation qui elle-même est tout à fait critiquable et va dans le sens de la domestication. Même avoir accès à l'éducation en tant que telle qu'elle existe, ça va encourager le processus de domestication plutôt que de l'empêcher. On pourrait aller à la limite dire qu'il ne faudrait pas y avoir accès à cette éducation parce que cette éducation nous domestique encore plus que nous le sommes déjà à la base. Comment on peut s'impliquer dans cette lutte-là, ou est-ce qu'on doit bien s'impliquer sur cette question, mais reprofiter de ce moment social où les gens se posent différentes questions qui vont des fois plus loin que ça? Comment on peut s'impliquer en existant, en voulant cette existence sauvage? Oui, non, c'est très important la question de l'éducation et de la lutte qui se passe maintenant, parce qu'il faut s'impliquer, mais en dialogue. C'est pas, par exemple, oui, je suis contente qu'il y a du monde qui au moins se pose, même avec tous les problèmes qui sont là, avec les arrêts et tout ça, ils sont là, même si c'est pour cette petite question, la hausse de scolarité. Si ils sont prêts au dialogue, on va poser la question, ok, mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Justement, la question que pourquoi existe l'institution? Pourquoi il y a la scolarité? Même si c'est 100$ par année, pourquoi tu payes? Qu'est-ce que cette institution? Finalement, oui, la façon dont le système fonctionne, c'est fait que la domestication la plus intense, ça commence déjà, comme tu as dit, quand les enfants sont nés, déjà médicalisés, c'est la domestication. La première question, moi, que c'était achète le Nestlé, tu refuses, tu as des problèmes, c'est toujours la question de pouvoir, d'économie. Mais ici, par exemple, ça commence aux États-Unis, à un mois déjà, on accepte des bébés dans le maternel. Ici, un peu plus tard, mais quand même, c'est presque, tu n'as même pas un an, déjà, les enfants sont dans les, pas maternelles, comment ça s'appelle? Les centres de la petite enfance. Exactement. Après, c'est la maternelle. Et ça commence déjà là, l'école primaire. Quand les enfants, par exemple, à l'âge de 13-14 ans, ici au Québec, il y a un grand nombre qui laissent tomber l'école, ok, drop out. Mais le problème, c'est que ils sont déjà, la plupart sont domestiqués, ils souffrent, ils peuvent se soigner de cette douleur, de cet abus, mais ça prend beaucoup d'énergie. Moi, par exemple, plusieurs fois, je suis allée enseigner l'écriture créative au Centre Sainte-Dorothée pour les gens qui ont des troubles différents, où ils étaient abusés dans les prisons, dans d'autres problèmes. Et je voyais, par exemple, il y avait un cours sur la poésie, et une femme était tellement fâchée que je dis que chacun a quelque chose de très beau à partager. Même ta douleur, tu l'aimes, et il faut que tu partages pour la dépasser. Tu partages, quelqu'un va recevoir cette douleur partagée avec toi. Déjà, c'est une solidarité. Et c'était impossible. Elle est venue m'agresser parce qu'elle pouvait pas entendre ça. Et pourquoi? Parce que c'est trop douloureux. Parce que la domestication est tellement violente. Et c'est tellement douloureux de même essayer de voir qu'est-ce que c'est. Maintenant, peut-être dans cette étape pour elle, je ne vais pas dire pour toujours, mais dans cette étape, c'est pas ça. Elle veut être domestiquée, elle veut trouver un endroit où elle peut être comme les autres. De ne pas parler de cette douleur, parce qu'on est là pour souffrir. Arrête-toi, tais-toi, tu sais pas ma vie, c'est moche, moi je veux être comme les autres, belle comme les autres. Et c'est quoi être belle comme les autres? Dans la domestication, c'est standard, c'est une formule. Et c'est ça, je veux dire, après l'université, bah, ici il y a le cégep, l'université, après, ça continue la domestication, bien sûr, il y a les notes et tout ça, mais c'est fait pour séparer ceux qui vont être les gérants, ceux qui... Ça joue un autre rôle plus économique. Économie symbolique, économie matérielle aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ressources importantes comme les bibliothèques, les laboratoires scientifiques, anthropologiques, sciences sociales. Il y a ces choses. Il y a des chercheurs qui, peut-être, s'ils n'étaient pas domestiqués dans ce monde aussi, ils ont des salaires, ils ont besoin de chaque fois faire une demande pour une bourse, pour recherche et tout ça. Ils sont toujours, ils pensent à cette économie, toujours ils pensent à la domestication. Qui est le maître? À qui on demande? Qu'est-ce qu'on va présenter dans ce projet pour avoir de l'argent d'Ottawa ou de Québec? Ok? Ça, c'est la domestication. Et même si, après, quand ils ont eu l'argent, ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais là, tu vas vouloir plaire à ton maître parce que tu peux avoir encore d'une bourse. Alors, et ce système fonctionne très bien. Est-ce qu'il faut tout casser et brûler les bibliothèques comme on a fait en Alexandrie? Je pense pas. Pas quand même, malgré que je critique la langue, la culture symbolique, la pensée abstraite, je sais qu'il y a quand même des attentats de critiques. Je me suis investie là-dedans aussi, j'écris. Quand tu dis des attentats, tu veux dire des tentatives? Des tentatives, oui. Parce que les attentats, c'est quand même... C'est dans mon c'est anglicisme. Oui, les tentatives. Ouais. Les tentatives... de résistance, de questionnement, tout ça, c'est bien d'avoir ça et partager ça, mais sans domestication, ça veut dire que si ça te tente d'aller lire quelque chose, ou si ça te tente d'aller parler à quelqu'un dans la rue avec les sans-abri, ou dans une réserve, bah, si on est dans la vie sauvage, il n'y aura pas de réserve. Tout le monde va être partout avec une grand-mère Ojibwe. Okay? Tu vas avoir des connaissances de partout, un dialogue, tu vas grandir et tout ça. Alors, oui, on peut laisser ce centre. Mais pourquoi et comment? Et qu'est-ce que ces enfants veulent faire avec? Est-ce qu'ils vont garder ce système où tu arrives à l'université juste pour avoir un ticket qui va te mettre dans cette hiérarchie? Tu vas être le maître, ou tu vas être sous-maître, ou tu vas être une ressource? Ou qu'est-ce que tu veux? Et c'est ça la question. Mais si on brise trop rapidement notre rapport avec la civilisation, ce serait pas aussi de ne pas tenir compte aussi de la fragilisation qu'on sait, qui résulte de notre dépendance à la technologie, à la civilisation, à toutes ces institutions-là? Mais tu vois, ça dépend de quel niveau socio-économique dans le monde entier tu parles. Parce que par exemple, il y a les gens qui aiment Zerzan, mais ils attendent la crise. Les environnementaux. Ou le collapse civilisationnel. Oui, c'est de civilisation. La crise de civilisation. C'est ça. Moi, toujours, je dis, ok, ça, tu peux attendre étant... homme blanc, même je sais que par exemple Zerzan toute sa vie il n'était pas dans l'élite, il vendait son sang pour écrire, pour vivre, pour penser, il ne vivait pas la vie de luxe, mais le privilège de penser que la crise civilisationnelle n'est pas encore arrivée, ça peut être juste un homme blanc ou une femme blanche ou des élites, mais même des élites africaines, ils savent que la crise est déjà arrivée. La plupart des gens sur la Terre des gens de couleur, ils ont eu la crise, ça fait des centaines d'années avec la colonisation. Déjà, maintenant, le Soudan, c'est une crise, mais il faut aller voir. Et moi, le Soudan que j'ai connu quand j'étais petite, quand on est venu de Russie, ça me faisait déjà comme un choc parce que c'était tellement différent. Les couleurs, la poussière qu'on sentait partout. Et là, maintenant, c'est une crise, c'est Mad Max. Tu vois? Alors, comment on se rompre? Bah, la majorité des gens, la majorité des espèces qui sont disparues ou sont en train de disparaître, pour eux, la crise est déjà arrivée. Ça veut dire que si on parle déjà de possibilité de manquer la technologie, ça veut dire que déjà tu es en position de privilège où tu as cette technologie. Les gens qui font la technologie, ils n'ont pas ce privilège. Dans ce film Another Story of Progress, il montre très bien. Il y avait un autre film, Surplus, La Surplus, oui, c'est ça. Avec John Susan. Oui, c'est ça. Par exemple, il montre qu'est-ce qui se passe en Bangladesh avec tous ces bateaux ou ordinateurs qui sont recyclés. Alors, déjà, si tu poses cette question, ça veut dire que tu as accès, tu es en position de privilège et tu en profites. Tu es un domesticateur et parasite. Pas toi personnellement, mais comme ceux qui ont peur de perdre cette possibilité, c'est de perdre la possibilité de parasiter des autres espèces qui perdent leur vie ou les gens qui, c'est ça, les gens qui font, qui produisent la technologie, l'essence et tout ça. Alors c'est ça la question. Et bien sûr, ils ne veulent pas. Parce que si on parle, ils disent « Ah non, non, si moi je perds mon ordinateur, si je perds mon cellulaire, je ne vais pas savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde et quelqu'un va nous envahir, je ne sais pas, c'est terrible arabe ou iranien et quelque chose de très mauvais va nous arriver. » Je dis « Dans le nord ici, qui va vous envahir ? Et pourquoi ?» Nous on va essayer le monde. C'est clair. Aussi le problème du questionnement, justement, ça implique la plus grande révolution, c'est la révolution de soi-même et de se libérer de ces formules, de ce praxis qu'on a hérité. Et ça veut dire que justement la question que tu as demandé, est-ce qu'on sera prêt à même envisager la possibilité de vivre sans technologie, la possibilité de vivre autrement. Et je ne veux pas dire, par exemple, que je dis tout le monde, « Ah, ok, il faut tout laisser et partir dans la rue. » Non, c'est déjà fait. Mais est-ce qu'on a déjà beaucoup de technologie? On a déjà bâti beaucoup de bâtiments. C'est déjà fait. Ça ne veut pas dire, par exemple, quand ils sont faits dans la Révolution française, ou russe surtout, on est allé démolir les musées, les églises et tout ça. Non, moi je ne dis pas démolir les églises comme bâtiment, démolir cette idée, cette ontologie d'avoir besoin de cette église pour nous justifier notre violence. C'est ça qu'il faut battre et démolir. Mais le bâtiment est bien beau, on peut faire plein de choses là-dedans. On n'a pas besoin de bâtir quelque chose d'autre. On a ces technologies, on peut faire avec. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais plus utiliser. Mais c'est d'arrêter le besoin de la civilisation de conquérir et de produire de plus en plus en plus et d'exploiter de plus et toujours augmenter ce qu'on consomme. C'est ça ce qu'il faut arrêter. C'est pour cela, moi, par exemple, mon anarcho-primitivisme n'est pas anarcho-primitivisme, c'est la vie sauvage. Ça veut dire que même si tu veux garder ton ordinateur que tu as maintenant et tu vas le partager avec moi si j'ai besoin de ça, ou peut-être que je n'ai pas besoin de ça, je vais t'accepter avec ça. Mais si tu vas avoir besoin d'avoir une plus nouvelle modèle de la technologie et tu ne peux pas le faire, ça va venir du pétrole de l'Irak, le plastique qui est fait en Chine, l'ordinateur qui est produit en Inde, après pour venir ici, ça, ça n'a pas de sens. Okay? Alors c'est aussi ça, peut-être la nuance très importante, c'est que je ne veux pas comme un collapse. Un collapse est arrivé pour la plupart des espèces qui sont déjà disparues, la souffrance des gens, mais c'est de reviser nos relations, nos dépendances, nos peurs, justement de vivre comme moumine, laisser les portes ouvertes et de faire avec ce qu'on a. Ça veut dire, au moumine, il y a un peu de technologie, ce qu'ils font. Ce qu'il peut le faire, ton ordinateur, tu le fais. Tu ne peux pas le faire, ok, tu n'as pas besoin. Parce que si tu auras besoin, tu auras fait. C'est ça. Ok, merci. Ah, c'était déjà beaucoup. Ouais, merci.